Début décembre, la ministre des Armées, Florence Parly, prenait la parole au cours d'une table ronde consacrée à l'éthique du soldat augmenté pour dire en substance oui à l'armure d'Iron Man, non à l'augmentation et à la mutation génétique de Spider-Man, ce qui peut être abscon si vous n'êtes pas familier des super-héros Marvel. Mais en résumé, la ministre est favorable à la recherche sur l'augmentation externe, armure, instrument de communication, mais contre l'augmentation biologique comme des modifications génétiques par exemple. Ce qui semble relever du bon sens est en fait une question fort complexe, parce que si la France se targue d'une éthique militaire, qu'en est-il des autres pays moins scrupuleux ? Super soldat, oui mais pas trop, c'est le programme augmenté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette problématique du soldat du futur, des façons dont il peut être augmenté, amélioré dans ses capacités, de ce qui est tolérable ou non, et de la façon dont ceci s'inscrit dans un contexte géopolitique pas toujours très regardant sur l'éthique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Grandjean. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du ministère des Armées. Et nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Noël. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes chercheur associé au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Elle n'a pas besoin d'augmentation pour nous livrer chaque jour l'actualité des sciences et de la recherche pour le moment. C'est Natacha Triou pour le Journal des sciences. À tout de suite Natacha. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics, c'est la découverte d'un système planétaire unique. Oui, au fur et à mesure que l'on trouve des exoplanètes, d'une part on s'aperçoit qu'elles ne ressemblent pas à celles de notre système solaire, et d'autre part que les systèmes exoplanétaires non plus ne ressemblent pas aux nôtres. C'est le cas de TOI 178, un nouveau système découvert par une équipe internationale grâce au satellite Kéops de l'ESA. Alors, ce sont 6 exoplanètes qui orbitent autour d'une naine orange à 200 années-lumière de nous dans la constellation du Sculpteur. Alors, ce système est bien ordonné, les orbites de 5 planètes suivent un rythme, elles sont en résonance, ces planètes s'alignent régulièrement, ce qu'on appelle la résonance orbitale, mais la configuration de ces planètes, selon leur taille et leur masse, selon leur densité, étonne les chercheurs. Selon les théories actuelles, avec ce rythme de résonance, la densité des planètes est censée diminuer à mesure qu'elles s'éloignent de leur étoile. Or, à côté d'une planète dense comme la Terre, on trouve une planète de taille similaire, mais très peu dense, comme une mini-Jupiter. La découverte de TOI 178 remet donc en question notre compréhension de la formation des planètes. Voilà, si vous voulez avoir un aperçu de ce système planétaire, ou retourner simplement aux études qui ont permis de le mettre au jour, vous pouvez vous connecter sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue One Earth, depuis les années 1990, 25% des espèces d'abeilles connues ont disparu. Une équipe argentine a analysé la plus grande base de données sur la diversité des abeilles, le Global Biodiversity Information Facility, un réseau international qui contient 3 siècles de documents. Cette base de données recense et répertorie de mieux en mieux les populations d'abeilles, pourtant le nombre d'espèces d'abeilles recensées partout dans le monde est en forte diminution. En 30 ans, près d'un quart des espèces n'apparaissent plus dans ces référencements. L'étude évoque les effets de la destruction de leur habitat naturel, de l'utilisation massive de pesticides et du dérèglement climatique. Selon une étude parue dans la revue ECPS Proceedings, une intelligence artificielle peut identifier la chanson que vous écoutez grâce à vos ondes cérébrales. Des chercheurs néerlandais ont demandé à 20 personnes d'écouter 12 chansons au casque. Les volontaires étaient placés dans la pénombre, avec les yeux bandés, pour que leurs autres sens n'interfèrent pas avec les résultats. Et ils portaient un casque d'électroencéphalographie pour mesurer l'activité électrique de leur cerveau. Les chercheurs ont ensuite entraîné un réseau de neurones à reconnaître les musiques écoutées à partir de ces données électroencéphalographiques. Les données de chaque personne ont été coupées en courtes séquences et utilisées avec le clip du morceau. L'intelligence artificielle a identifié les chansons avec près de 85% de précision. Et enfin, nous en parlions avant-hier dans notre émission sur l'usage des drogues psychédéliques dans la recherche. Une étude dans PNAS montre que les LSD pourraient être une option thérapeutique pour certains troubles mentaux. Pendant une semaine, des souris ont reçu de petites doses de LSD, ce qui a considérablement augmenté leur sociabilité. Alors, diverses expériences ont mis en évidence que le LSD active les récepteurs de la sérotonine 5-HT2A, les récepteurs AMPA dans le cortex préfrontal, mais aussi un complexe protéique appelé mTORC1. Or, on sait que dans les maladies comme les troubles du spectre autistique ou les troubles d'anxiété sociale, ce sont précisément le récepteur AMPA et le complexe protéique mTORC1 qui sont dérégulés. Reste à savoir si les microdoses de LSD peuvent être une option thérapeutique viable et sûre. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. C'était le 4 décembre dernier à l'occasion d'une table ronde éthique et soldats augmentés au Digital Forum Innovation Défense. On peut le dire en français, Digital Forum Innovation Défense, ça marche aussi d'ailleurs. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est prononcée sur l'avis consultatif rendu par le comité d'éthique de la Défense sur ces questions précisément, celles qui tiennent aux soldats augmentés. Ce comité qui a été fondé fin 2019, s'est réuni il y a presque un an aujourd'hui, en février 2020, pour rendre précisément des avis sur deux thématiques. Le soldat augmenté, ce qui nous intéresse aujourd'hui, également l'autonomie des systèmes d'armes létaux. Je vous propose d'écouter la ministre Florence Parly. Une start-up américaine fondée par un entrepreneur de la Silicon Valley, très connu, caresse le rêve d'augmenter les capacités cognitives de l'homme grâce à de minuscules électrodes implantées dans le cerveau. Certaines évolutions existent déjà, comme par exemple des opérations des yeux pour accroître l'acuité visuelle et s'affranchir des jumelles de jour. D'autres sont en développement, par exemple des implants pour prendre le contrôle d'un système connecté. Et permettez-moi à ce stade de mettre fin à tout fantasme. Ces évolutions dites invasives ne sont pas à l'agenda des armées françaises. Mais il nous faut être lucides, car tout le monde n'a pas nos scrupules, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Et l'avis rendu par le comité d'éthique nous y aide, en recherchant les voies et les moyens qui permettent de maintenir notre supériorité opérationnelle, sans nier nos valeurs, et en respectant nos engagements internationaux. C'est un avis qui n'est pas gravé dans le marbre et qui sera régulièrement reconsidéré à l'aune des prochaines évolutions. Voilà la ministre Florence Parly à propos de cette consultation et de cette décision du comité d'éthique de la défense, de cet avis plus exactement. Une réaction à cette déclaration de votre ministre Hervé Grandjean? D'abord, il faut se rappeler pourquoi on a besoin aujourd'hui de travailler sur le soldat dit augmenté. On a des conflits qui sont de plus en plus durs, de plus en plus protéiformes. Si on regarde notre conflit en ce moment en bande sahélo-saharienne, c'est une zone grande comme 10 fois la France. Nos combattants peuvent être soumis à des emports de charge assez rudes, à des conditions climatiques extrêmes, à du stress, à une masse informationnelle qui est extrêmement importante. Donc on a besoin de les aider à mieux combattre, à combattre de façon plus rasséréné, en priorisant les informations, en les augmentant d'une certaine manière. Alors, ce dont il faut avoir conscience, c'est que les augmentations, elles ont toujours existé d'une certaine manière. L'entraînement physique, la musculation, c'est une forme d'augmentation. Des techniques d'imagerie, de relaxation, de respiration, c'est aussi une forme d'augmentation. Et puis bien sûr, un gilet pare-balles, un fusil, c'est aussi un moyen de décupler les capacités d'un soldat. Et puis peut-être dernier point sur cette fois-ci des augmentations déjà plus invasives, quand on vaccine nos soldats avant qu'ils partent en opération extérieure, c'est une forme d'augmentation. Et quand on leur donne des capsules de caféine pour mieux résister à la fatigue, c'est aussi une forme d'augmentation. Mmh. On voit bien que, on va revenir sur ces questions-là, mais on voit bien qu'effectivement là on est tout à fait dans le domaine de ce qui peut être éthiquement acceptable et qu'il peut y avoir des frontières un peu plus troublées. Mais j'aimerais entendre la réaction de Jean-Christophe Noël à la déclaration de la ministre. D'abord, avant de vous diriger ou avant de pointer telle ou telle partie de cette déclaration, j'aimerais vous entendre de façon générale. Non, mais sur cette déclaration, j'irai dans le même sens que Monsieur Carvé, c'est-à-dire, en fait, le solde augmenté a toujours existé. Si vous regardez les premières trouvailles, on va dire, d'augmentation, elles datent de 300 000 ans. On a retrouvé des lances dans une mine à ciel ouvert en Allemagne, à Schöningen, qui pouvaient permettre de toucher, on va dire, on pense du gibier, à 35 mètres. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et depuis, donc, il y a eu l'évolution technologique qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Donc l'augmentation, c'est un processus continu. Simplement, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'il y a des nouvelles technologies, on va dire biologiques ou autres, on parlait tout à l'heure de puces dans le cerveau, etc., qui bouleversent un petit peu la donne. Mais, comme le précisait le ministre, ces technologies sont pour l'instant vraiment à un stade très très peu développé. Dans l'armée française, il n'y en a pas de toute façon. Donc quand on parle de soldats augmentés, en fait, on passe à côté de quelque chose qui est essentiel, et c'est peut-être justement la première partie de votre intervention, c'est l'augmentation, enfin c'est aujourd'hui la manière dont les équipements peuvent aider le soldat à combattre sur le terrain. Et il y en a beaucoup. Et plutôt que de parler, par exemple, d'hommes augmentés, il est plus juste aujourd'hui, par exemple, de parler d'hommes connectés sur le champ de bataille, de soldats connectés. On peut parler de soldats préservés. Vous faisiez allusion justement aux grandes distances à parcourir, etc. Donc comment on essaie de faire en sorte pour améliorer la mobilité du soldat. On peut parler de soldats évolués, etc., à travers différentes technologies. Et peut-être aussi quelque chose à préciser avant tout. On va surtout, je pense, parler du soldat de l'armée de terre, du fantassin. Mais les problématiques, par exemple, sont différentes sur un navire. C'est-à-dire on va travailler en équipage. Donc comment on va augmenter justement la capacité de cet équipage à travailler, à travers quels moyens, à travers quelles technologies, etc. Ce sont des problématiques qui sont différentes. Dans l'aviation, ça va être encore autre chose. Le pilote de l'avenir, il va être donc dans son avion, mais il va devoir gérer des drones tout autour de lui qui devra piloter. Donc là, on voit que c'est encore une autre espèce d'augmentation et d'autres logiques qui sont en œuvre. Bien sûr, et que tout dépend, bien entendu, des différents corps de l'armée. On essaiera d'ailleurs d'examiner tout à l'heure. On ne va pas parler que de l'armée de terre, on va parler des autres corps, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse dans cette déclaration de la ministre des Armées, c'est qu'on a quand même le sentiment que la voie est relativement étroite, puisque on entend Florence Parly dire à la fois « je vais mettre fin à tout fantasme » et en même temps dire immédiatement ensuite « tout le monde n'a pas nos scrupules et ceci n'est pas gravé dans le marbre ». Parce qu'on a bien conscience que avoir un comité d'éthique de la défense, c'est tout à l'honneur de la France, réfléchir à ces questions d'éthique, d'autres pays que nous le font, mais néanmoins, tous les pays ne le font pas et nous sommes dans un contexte géopolitique particulier où certains pays le font beaucoup moins que d'autres. Quelle est cette marge, justement, que peuvent avoir les troupes françaises? Peut-on encore longtemps se draper dans l'éthique là où des pays vont avoir des expérimentations plus invasives, plus directes, sans problème d'éthique? Hervé Grandjean, qu'en pensez-vous? Les technologies sont éminemment évolutives et les questions d'éthique qui y sont associées bougent aussi en fonction de l'époque. C'est pourquoi le comité d'éthique de la défense que la ministre Florence Parly a installé début 2020 s'est donné un horizon calendaire pour réfléchir, un horizon de 10 ans. C'est-à-dire l'horizon de deux lois de programmation militaire. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui sera peut-être revisité dans 10 ans. Aujourd'hui, que dit la ministre des Armées? Elle dit non, les techniques invasives ne sont pas à l'agenda des armées. Et si toutefois, un jour, on devait aller vers plus de techniques invasives, alors il y a un certain nombre de lignes rouges ou de principes fondamentaux qu'il faudrait respecter. Par exemple, recueillir le consentement éclairé des soldats. Et puis permettre aussi, on pourra en reparler, une réversibilité. Parce qu'après la vie militaire, il y a une vie civile. Donc on voit bien que c'est une discussion qui est très évolutive, d'où l'intérêt d'avoir un comité d'éthique de la défense avec 18 personnalités complètement indépendantes, des juristes, des philosophes, des historiens, des chercheurs, des ingénieurs, et bien qui réfléchissent à la façon dont les technologies s'immiscent aujourd'hui de plus en plus dans nos champs de bataille et ce qui est acceptable ou pas du point de vue de l'éthique, du droit, des responsabilités. Jean-Christophe Noël? Oui, je pense que ce comité d'éthique a un avantage, c'est que c'est le premier. dans le monde à exister. Et donc, si vous voulez, on dit souvent que les militaires sont en retard d'une guerre. Pour une fois, ils sont en avance. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, l'idée, c'est effectivement, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités. Certaines sont assez effrayantes, certaines donc font peur. Et ce comité, écoutez, il a l'avantage d'essayer de tracer un chemin qui permette justement de tenir compte à la fois de l'évolution de ces technologies, mais aussi de prendre en compte l'éthique. Ça, c'est une nouveauté au niveau mondial. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner et il faut s'en inspirer. Alors après, on pourra toujours dire peut-être que cette mesure peut-être effectivement peut évoluer, etc. Mais en tout cas, voilà, on a une base sur laquelle on peut discuter. On peut discuter en France, mais on peut discuter également avec nos partenaires. Et ça, c'est intéressant. Il y a une base de travail, une base de discussion. Justement, comment est-ce que ça peut se passer face à d'autres pays moins scrupuleux, quand on voit que en 2017, le président russe annonce l'avènement d'un soldat génétiquement modifié, que le porte-parole de la Chine estime, le porte-parole militaire estime qu'il n'y a pas de limite éthique à la poursuite du pouvoir à Pékin. Est-ce que ce qui vous présentez comme une avancée n'est finalement pas plutôt un obstacle ou un frein, Jean-Christophe Noël? Encore une fois, la ministre n'a pas dit que, je crois même, pour reprendre ses termes, c'était gravé dans le marbre, donc la situation peut évoluer. Ce qu'il faut, un soldat augmenté, en fait la problématique aujourd'hui quand on parle du soldat augmenté, c'est un soldat qui est transformé pour accomplir des tâches extra-humaines, donc des choses qu'un humain ne peut pas accomplir normalement. Alors quand on regarde à l'extérieur, ce soldat augmenté, on va dire invasif, pour faire la différence avec le soldat qui existe aujourd'hui, donc que j'appelais connecté, préservé ou évolué. Donc ce soldat augmenté invasif, il n'existe pas aujourd'hui. Il n'existe pas. En revanche, il y a des indices, un petit peu dans certains pays, qui montrent que certaines armées ont un intérêt justement pour augmenter leurs soldats. Ça ne veut pas dire qu'il est aujourd'hui, mais voilà. Alors, il y a les Américains bien pointés du doigt les Chinois, et ils mettent en avant certains faits. C'est-à-dire, par exemple, il y a certains auteurs qui ont... je pense par exemple aujourd'hui au vice-président de l'Académie des sciences militaires, qui s'appelle Efu Chu, qui avant, dans d'autres responsabilités, a écrit notamment sur la biotechnologie dans les armées, en expliquant que c'est un nouvel enjeu de défense, sur les biomatériels, etc. C'est quelque chose qu'on trouve pas en France, par exemple. Vous avez des écrits aussi un petit peu officiels. Alors, vous avez une université de défense nationale en Chine, donc qui édite régulièrement un journal, et ils expliquaient que la biologie était dans en avant en 2017. Vous allez voir pourquoi la date est intéressante. C'était un domaine de lutte militaire essentiel pour l'avenir. Ils précisaient même qu'il y avait peut-être des attaques génétiques sur des groupes ethniques précis qui pouvaient être faites. Alors pourquoi 2017? Parce que comme vous savez, après il y a eu le scandale avec He Jiankui, qui justement a transformé les génomes dans un embryon pour faire en sorte que les bébés, quand ils naîtraient, seraient immunes au sida. Et suite à ça, il y a eu un tollé général, pas seulement, dans le monde entier. Et on a eu la sensation, alors il y a une législation qui a été faite en Chine, mais on a eu la sensation qu'il y a un retrait des Chinois. Mais les Américains pointent du doigt le fait que dans les hôpitaux chinois, par exemple, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. On utilise, comme vous savez, la méthode CRISPR. Donc, c'est un outil de génie génétique qui pour modifier plus facilement, plus précisément les séquences ADN. CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques, exactement, oui. Exactement, c'est ça. Alors, c'est souvent pour travailler, pour soigner le cancer, mais bon, les Américains se demandent si c'est pas pour autre chose. Il y a, vous savez, cette fameuse firme qui s'appelle Beijing Genomics Incorporated, qui est en train de rassembler toute une bibliothèque de génomes dans le monde entier, mais pas seulement chinois, ils vont aussi chez les Américains, etc., pour avoir une des plus grandes bibliothèques dans le monde, peut-être pour les travailler après. Donc les Américains font un plaisir de pointer du doigt les Chinois. Alors il faut savoir, il faut aussi voir l'environnement dans lequel on est. On sait qu'on était dans une lutte commerciale entre la Chine et les États-Unis récemment. On sait qu'il y avait cette rivalité technologique, pas seulement dans la biologie, mais aussi dans l'intelligence artificielle et dans toutes ces nouvelles technologies. Donc on peut se demander si c'est pas un peu instrumentalisé, d'autant plus que vous avez un directeur de la DARPA, Stephen Walker. Alors la DARPA, c'est un petit peu l'agence, si vous voulez, qui est là pour développer des tas de solutions technologiques pour l'avenir, certaines plus ou moins UBS, mais enfin c'est voilà. Dans la défense, c'est une agence américaine qui est liée au gouvernement fédéral, mais à qui on laisse un peu le champ libre pour faire diverses sources d'expérimentation, toujours en général en matière de défense et de sécurité. C'est exactement ça. Et donc Stephen Walker s'est exprimé en public une fois. Et on lui demandait quelles étaient les technologies les plus importantes pour l'avenir. On s'attendait à ce qu'ils disent intelligence artificielle, à ce qu'ils disent quantique, supercomputer, etc. Et non, pas du tout. Il a dit, l'avenir, pour moi, là où il y a les plus grandes possibilités, c'est dans les sciences de la vie. C'est dans les sciences de la vie. Et il dit, nous, ça nous intéresse de voir un petit peu comment ça fonctionne. Ben, peut-être justement pour aider nos soldats à faire face aux futures difficultés. Alors, quand on pense qu'il va transformer le soldat, faut pas imaginer qu'il va y avoir des génomes où les soldats auront toujours les cheveux courts ou alors qu'ils auront la peau verte et camouflée. C'est pas ça du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de transformer, par exemple, des génomes pour que les soldats soient plus ou moins immunes à certaines maladies ou à certaines attaques chimiques. Donc, par exemple, en mettant plus de protéines dans les génomes, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas imaginer que ce soldat augmenté de l'avenir, comme pourra nous faire croire la culture populaire, ben, ça sera effectivement un Iron Man qui court à toute vitesse ou un Spider-Man qui monte le long des immeubles. Non, ça sera plutôt peut-être quelqu'un qui vous ressemblera, mais peut-être dont l'intérieur sera un petit peu modifié pour qu'il soit plus apte à subir les difficultés du champ de bataille. Mais encore une fois, pour revenir à votre question géopolitique, oui, il y a quand même des... Ce n'est pas encore là, mais on sent que ça bouillonne un peu, qu'il y a des indices, en tout cas, qui peuvent nous faire réfléchir et nous faire en sorte qu'on soit plus préparé pour l'avenir. Hervé Grange, votre opinion là-dessus? Simplement pour dire que le comité d'éthique de la défense, qui a été voulu par la ministre des Armées, il n'est pas là ni pour freiner des innovations, ni pour cautionner des dérives. Il est là pour donner un cadre, des limites, dans lesquels ensuite on pourra s'autoriser à évoluer. Mais c'est un avis indépendant, d'expert, collégial. Ensuite, il faut que cet avis au ministère des Armées, on se l'approprie. Donc le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée s'imprègnent de cet avis, se l'approprient et ensuite intègrent les limites qui ont été fixées par le comité d'éthique pour les développements des armements de demain, pour le recrutement de nos soldats de demain. Et donc... C'est vraiment là, voilà, pour fixer un cadre, une sorte de boussole, mais c'est pas du tout là pour freiner des innovations. On va continuer à parler de ce que pourrait être ce soldat du futur, du plus concret aujourd'hui, au peut-être plus spéculatif demain, avec ou non un cadre éthique, c'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc du soldat augmenté en compagnie d'Hervé Grandjean et de Jean-Christophe Noël. Alors, on va commencer finalement par le plus concret aujourd'hui, avant d'examiner, puisque c'est vrai, comme vous le disiez d'ailleurs, un peu l'un et l'autre. Hein, quand on pense soldat augmenté, on pense, je ne sais pas, à Edge of Tomorrow, on pense, je ne sais pas, à Starship Troopers, on pense à de la science-fiction. Vous allez voir qu'en fait, ça n'est pas de la science-fiction, que tout cela est très concret et très réel. Et on va commencer par le début, ce sur quoi concrètement travaille aujourd'hui le ministère des Armées et ce qui peut être dit à un journaliste comme vous, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je me suis rendu plus précisément dans les locaux de l'Agence d'innovation de la défense, l'AID, une agence qui a pour mission de penser les enjeux liés à l'innovation de la défense, de faire de la prospection dans le civil, y compris auprès de grands centres de recherche comme l'INRIA ou encore le CNRS, pour trouver des concepts qui pourraient intéresser l'armée, et enfin de déployer ces innovations au sein des utilisateurs du ministère de la Défense, les militaires en tête. Emmanuel Kiva est directeur de l'AID et il nous présente les priorités établies par le ministère de la Défense pour le soldat augmenté. De l'intelligence artificielle à l'amélioration de la sécurité des soldats en passant par les soins qui leur seraient éventuellement apportés, les défis sont nombreux pour porter toutes ces innovations sur les théâtres d'opérations militaires. Alors le soldat, aujourd'hui comme hier, subit un certain nombre de dangers et de contraintes sur les têtes d'opération. Il y en a qui ne sont absolument pas nouvelles, comme celles qui sont liées à l'emport de charge, par exemple, au fait d'être dans des climats extrêmes, de subir la fatigue, de subir du stress. Mais nous avons de nouvelles priorités qui sont aujourd'hui accélérées par le ministère des Armées dans cette volonté de pouvoir aller vers ce programme soldat augmenté. La première, c'est l'amélioration des sens du soldat. Donc je peux vous donner quelques exemples précis. Par exemple, on travaille sur des radars qui permettent aux soldats de détecter la présence humaine à travers les murs. On travaille également sur des protections anti-bruit intelligentes pour les oreilles du soldat qui lui permettent de percevoir son environnement tout en se prémunissant des chocs sonores traumatiques ou encore sur des systèmes d'identification ami-ennemi puisque vous savez que les tirs fratricides sont une difficulté sur le théâtre d'opération. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'amélioration de la mobilité. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, nous avons fait voler lors du défilé du 14 juillet un fantassin au-dessus des Champs-Élysées. C'est un programme extrêmement sérieux et nous continuons à travailler d'ailleurs avec Frankie Zapata sur ce point-là. Mais nous évaluons aussi d'autres techniques, par exemple les exosquelettes, actifs ou passifs, qui permettent soit d'avoir plus d'endurance ou de porter des charges plus lourdes. Et puis, évidemment, on continue à travailler sur l'amélioration de la protection du soldat avec de nouvelles techniques, par exemple dans le domaine de l'inspiration de la nature pour faire des protections balistiques pour les gilets pare-balles, par exemple, ou encore pour les parachutes. Et puis je pourrais finir par le fait qu'un soldat augmenté, c'est aussi un soldat qui est suivi du point de vue de sa santé et qui est potentiellement réparé. Donc on travaille sur ce qu'on appelle la surveillance temps réel, le monitoring des soldats sur le théâtre d'opération, mais on travaille aussi sur des prothèses intelligentes ou encore sur de nouveaux systèmes qui seront déployables sur le théâtre d'opération et qui permettront par exemple aux grands brûlés d'être soignés en une seule intervention par des interventions robotisées dans lesquelles on va imprimer de la peau humaine ou du cartilage directement sur le théâtre d'opération. On comprend bien là qu'il y a une quantité de champs d'exploration très très importante. Si on devait identifier quelques enjeux, défis techniques, scientifiques, d'ingénierie autour de ces problématiques-là, quels seraient ces grands défis à surmonter si on prend quelques exemples? Je ne vais pas vous demander de me dire pour chaque spécificité que vous venez de citer, mais ce qui vous intéresserait, vous, le plus, en tout cas, à mentionner. Je pense que d'abord, il y a un défi global. Le défi global, c'est de ne pas perturber le combattant dans sa mission. Plus on rajoute d'inventions, d'innovations technologiques, plus on a le risque de détourner l'attention ou le combattant de sa mission. Et donc tout ce qu'on fait, je parlais des exosquelettes, eh bien doit être fait dans ce sens d'abord de permettre au combattant d'avoir la main, si j'ose dire, sur sa mission. Mais il y a effectivement de nouveaux défis. Je prends par exemple le cas de la surcharge informationnelle. Nos systèmes sont de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus connectés, ils présentent de plus en plus d'informations. Et donc il faut être capable de présenter la bonne information au bon moment, de la manière la plus intéressante possible pour le combattant, compte tenu du contexte de sa mission. Et donc on travaille sur le fait de suivre le regard, de suivre les intonations de voix, de pouvoir même mesurer en temps réel la charge cognitive, c'est-à-dire qu'on va regarder les ondes cérébrales du combattant, d'abord pour l'entraîner, mais ensuite potentiellement et à terme, pour pouvoir, sur le théâtre d'opération, adapter la manière dont les informations vont lui être présentées à sa charge mentale, de manière à ce qu'il puisse rester efficace dans sa mission. Et vous voyez que toutes ces modifications-là, eh bien, ce sont des modifications qui cherchent à aider l'homme qui est au centre de tout cela. Donc ce sont des modifications qui sont complètement réversibles et bien évidemment qui ne sont pas invasives. On n'implante pas d'électrodes dans la tête du combattant. Par contre, effectivement, dans son uniforme ou bien dans son casque, on va pouvoir essayer d'introduire des nouveaux mécanismes permettant de capter ces informations. Là, on est dans un contexte un peu particulier, donc on va pas pouvoir assister à des tests, à des mises à l'épreuve de tous ces équipements-là. Comment ça se passe, cette mise à l'épreuve des équipements? Est-ce qu'il y a des phases sur des terrains d'entraînement, d'expérimentation, en fait, avant de distribuer ça aux soldats français? Ah oui, bien évidemment, et c'est essentiel. C'est d'ailleurs une des grandes priorités de nos actions. D'abord, quand vous avez une innovation comme ça, vous avez différents stades, le stade de l'idée, de la maquette, puis ensuite on passe au démonstrateur, et ensuite on passe au prototype, et enfin, on peut espérer ce que l'on appelle, nous, passer à l'échelle, c'est-à-dire déployer ces innovations au profit de ceux qui en ont besoin. Pour cela, eh bien, on s'appuie sur les différents outils que nous avons. Il y en a un qui s'appelle l'Innovation Défense Lab, qui nous permet de co-construire avec l'utilisateur final, avec le marin, l'aviateur, le fantassin, eh bien, l'expérimentation qui lui permettra de savoir si c'est, oui ou non, conforme à ses attentes. Nous sommes intégrés au sein de la Direction Générale pour l'Armement, et donc cette Direction Générale, elle dispose de centres d'expertise et des centres d'essai techniques. Très récemment, par exemple, on a conduit des essais sur l'utilisation d'armes laser pour la lutte anti-drone. Alors, ce qui nous arrive aussi, et ce que nous sommes en train d'ailleurs de conduire, ce sont des expérimentations directement sur le théâtre d'opération. Et il y a une expérimentation qui s'appelle Robopex, qui a été construite avec l'armée de terre, qui aujourd'hui permet de mettre en place des mules, c'est-à-dire des robots qui sont là pour porter des charges lourdes et aider le fantassin, mais de tester leur rapport directement au théâtre d'opération, c'est-à-dire que aujourd'hui ces robots sont envoyés dans la bande sahélo-saharienne. Parmi ces sujets un peu à la mode, il y a cette notion d'intelligence artificielle qui n'est plus le futur, qui est déjà là. Comment cette intelligence artificielle-là va être intégrée dans les équipements du soldat du futur, du soldat dit augmenté? Et quelle problématique cette intégration recoupe-t-elle? L'intelligence artificielle, pour le soldat, elle permet de faire trois choses. Elle permet de faire des choses en soutien du soldat. J'ai parlé de la mule robotisée, donc le fait d'avoir de la robotique intelligente qui va l'aider dans sa mission. Elle permet de faire des choses à la place du soldat. Par exemple, de disposer de capteurs intelligents permettant d'éviter aux soldats de s'exposer à des environnements dangereux, mais permettant de remonter une information qui n'est pas simplement une information brute, mais qui est qualifiée et interprétée. Et puis, elle fait des choses aussi mieux que le soldat. Et par exemple, le fait de pouvoir analyser tout l'environnement, qu'il soit l'environnement physique, mais aussi l'environnement électromagnétique ou cyber. Et l'intelligence artificielle, elle peut être déployée sur le théâtre d'opération pour scanner, si j'ose dire, ce théâtre d'opération et être sûr qu'il n'y a pas une menace informatique ou électromagnétique qui menacerait le combattant et apprendre de tout ce qu'elle a déjà vu dans d'autres situations. Voilà, le reportage du jour, une réaction peut-être, là c'est effectivement très concret, on n'est pas du tout dans la science-fiction, on est vraiment dans la réalité aujourd'hui de l'équipement et de ce que l'on peut qualifier d'augmentation du soldat sur un théâtre d'opération. Hervé Grandjean. Alors, Emmanuel Kiva a cité un certain nombre d'innovations sur lesquelles on travaille. Je peux peut-être mentionner deux ou trois exemples complémentaires pour bien faire comprendre le caractère très tangible, concret et assez immédiat finalement de ce sur quoi on travaille. On travaille sur un projet de ceinture vibrante. Alors, le vrai terme, c'est une matrice épitactique, donc peu importe ce terme très compliqué. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Si vous progressez de nuit, par exemple, avec un soldat en binôme, de vous-même, vous avez chacun, l'un et l'autre, une ceinture autour de votre taille, avec des petits picots contre la peau. Et si tous les deux nous progressons dans un environnement très obscur, si je tapote sur ma petite ceinture, avec un code que nous aurions convenu à l'avance, eh bien, vos petits picots sur votre peau vont vous signifier ce que moi je veux vous dire. Va à gauche, va à droite, ou alors si on a convenu d'un code type Morse, on peut même faire des phrases un petit peu plus compliquées. Donc ça, on essaye d'améliorer notre perception sensorielle. On essaye aussi sur le plan de la mobilité, je vous donne un exemple, pour se repérer. Ça vaut pour des militaires, mais ça vaut aussi pour des pompiers qui, imaginez-le, seraient en intervention dans un parking souterrain où les GPS ne passent pas, où le signal GPS ne passe pas. Eh bien, on travaille sur des capteurs magnétiques intelligents. Là où vous êtes assis, Nicolas, à 2 mètres de moi, le champ magnétique n'est pas exactement le même que celui où moi je suis assis. Et ce capteur intelligent, il détecte ces variations de champ magnétique entre vous et moi. Et donc, il est capable de faire office de GPS quand bien même je suis très profond sous la Terre et je n'ai pas accès à ce signal. Et puis peut-être un dernier exemple pour toujours être concret, cette fois-ci pour la protection du soldat. Nos soldats ont des treillis, ont des couleurs bariolées. Et bien ces couleurs bariolées, on travaille sur une adaptativité de ces couleurs en fonction de la luminosité. Si c'est très lumineux, et bien le bariolage s'intensifiera, à contrario, il s'assombrira si on est davantage dans la pénombre. Donc voilà, des exemples très concrets qui peuvent être sur les théâtres et au profit de nos militaires d'ici, en ordre grandeur, 2 ans, par exemple. Oui, d'accord. Donc là, vraiment, on est exactement dans le présent ou dans le presque futur. Jean-Christophe Noël, une réaction à ce reportage et donc à ces améliorations concrètes, hein, en fait, finalement, de l'équipement militaire. Oui, on pourrait multiplier les exemples. Aux États-Unis, il y a un centre de doctrine de l'armée de terre et eux ont recensé 76 technologies qui sont susceptibles d'avoir un impact à plus ou moins long terme sur l'art de la guerre terrestre. Alors, 76 technologies, ce qui est sûr, c'est que toutes n'iront pas au bout. C'est-à-dire, effectivement, il y a des essais à faire. Alors, je crois que c'était Emmanuel Kiva qui faisait référence à l'utilisation un petit peu de certains mécanismes dans la nature pour parvenir à certaines solutions. J'ai l'exemple justement de cette fameuse DARPA dont on parlait tout à l'heure, qui a essayé de répliquer, vous savez, les mécanismes qu'utilise le gecko, qui est un espèce de lézard, vous savez, qui a la capacité de monter au mur, mais aussi d'être, par exemple, au plafond et de tenir. Ils se sont aperçus, alors bon, que c'était il y avait certains phénomènes électriques entre les microélectriques, entre les atomes des pattes et voilà, de la surface sur laquelle ils montaient. Ils ont essayé de le répliquer, voilà, et en 2012, ils ont fait une grande bâche, ils ont réussi donc, qu'ils ont mis sur un bâtiment, ils ont réussi à monter le bâtiment. Après, il y a une personne avec des gants et qui faisait une centaine de kilos, pareil, qui a réussi, enfin, avec son équipement, qui a réussi à monter. Voilà, bon, c'est arrivé il y a 8 ans, on n'a pas vu d'autres applications aujourd'hui. Donc voilà, il y a certaines voies sur lesquelles il y a des recherches qui n'ont pas forcément au bout. Et puis il y a d'autres voies qui sont intéressantes. Donc M. Grandjean faisait allusion justement à la manière dont le camouflage s'adaptait. Il y a la possibilité, par exemple, alors c'est vrai aussi par exemple sur les blindés aujourd'hui, il y a certains revêtements qu'on peut mettre, il y a des caméras qui sont tout autour, qui vont prendre en compte justement la forme, les couleurs de l'environnement, et qui vont... En fait, ces couvertures qu'on met, ce sont des écrans pixelisés. Et ces écrans pixelisés vont reprendre les mêmes couleurs que l'environnement. Et si vous êtes loin, par exemple, du blindé, vous ne le verrez pas, parce que le camouflage sera vraiment très adapté. Juste un autre exemple, enfin, pour terminer, peut-être, c'est la capacité de voir à travers les murs aujourd'hui, ou plutôt à travers les blindages. Pareil, les Israéliens, en fait, appliquent des choses qui sont faites sur les avions de chasse, etc. C'est-à-dire, sur leur blindé, ils mettent différentes caméras. Donc, évidemment, filme l'extérieur. Et ces images sont renvoyées dans le casque du conducteur du char, sont évidemment traitées pour en faire une image. Et le conducteur du char, en fait, à l'extérieur, comme s'il n'y avait pas de blindage. Donc, pour lui, c'est une possibilité de protection supplémentaire. Il n'a pas besoin de sortir de son char pour voir ce qui se passe. Et en même temps, il est au courant de tout son environnement. Mmh. Donc, voilà. Je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe pour le soldat, c'est un peu ce qui se passe pour la personne civile dans le monde. C'est-à-dire, il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles, donc ça va être de savoir comment on va les amener vers le soldat pour qu'ils puissent les utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est peut-être d'ailleurs une limite aussi, parce que à force de bombarder le soldat d'informations, on pense à des lunettes qui pourraient ressembler à des Google Glass, mais qui sont pas exactement ça, qui amènent un certain nombre d'informations. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations auditives, il y a les informations qui peuvent être des informations sensorielles, et il y a le risque peut-être à un moment donné de noyer complètement un soldat sous la quantité d'informations qu'on lui délivre, d'arriver finalement à une sorte d'effet contre-productif, ce qu'on appelle un risque d'effet tunnel, c'est-à-dire de perdre le lien que peut avoir le soldat avec son environnement. Est-ce que ça aussi c'est pris en compte, Hervé Grandjean ? Effectivement, il y a une masse informationnelle qui est spectaculaire aujourd'hui. On parle souvent d'infobésité. Le terme n'est pas très joli, mais ça, c'est assez parlant. Comme le disait Emmanuel Kiva, l'enjeu, c'est de filtrer, de prioriser les informations qui parviennent aux soldats pour qu'il garde sa distanciation par rapport aux faits de guerre, par rapport au combat, et qu'il garde sa libre appréciation et sa libre arbitre, et son libre arbitre. Donc, il y a effectivement un sujet de rasséréner finalement le soldat et de lui donner le nombre d'informations juste suffisant, pas trop. Un mot, si on va un cran plus loin, Jean-Christophe Noël, c'est aussi un tropisme, et là on commence à ouvrir un peu la voie de la science-fiction, mais finalement peut-être pas tant que ça. On parle d'exosquelettes, c'est-à-dire finalement des structures dans lesquelles s'insèrent les soldats et qui leur permettent différentes choses, hein, parce qu'il y a des exosquelettes passifs, des exosquelettes actifs, des exosquelettes qui peuvent permettre de compenser des blessures, des exosquelettes à moteur qui la permettent au contraire de déployer ou de déplacer des charges plus importantes. Qu'en est-il aujourd'hui de la recherche dans ce domaine ? Je peux même vous rajouter un exemple. C'est le cas d'un exosquelette américain qui s'appelait le Thanos. Donc, on était dans les super-héros. Oui. En fait, c'est quelque chose qui a été créé au début des années 2010 par les forces spéciales américaines. Vous savez que les forces spéciales américaines intervenaient parfois sur du renseignement et devaient rentrer dans un bâtiment pour aller chercher donc une personne qui était désignée et qui était évidemment un adversaire. Souvent, ils étaient accueillis par donc des tirs assez nourris. Donc, ils se sont dit, ce qu'on va mettre, une grande armure autour du premier qui rentre pour qu'il soit protégé. Le problème, cette armure pesait 180 kilos, elle était bardée de capteurs. Donc, ils ont mis des exosquelettes dedans pour que la personne puisse se déplacer. Alors, je ne sais pas à quelle vitesse ça se déplaçait, sûrement pas très vite. Finalement, le projet est tombé à l'eau parce que ça coûtait trop cher, les spécificités n'étaient pas les mêmes suivant si c'était l'armée de terre, les forces spéciales, etc., etc. Et vous voyez, donc, l'imagination peut aller très loin. Aujourd'hui, les Américains sont en train de développer effectivement un exosquelette qui s'appelle Onyx et qui permet aux soldats sur le terrain d'avoir entre 8 et 16 heures d'autonomie avec cet exosquelette. Et c'est un exosquelette avec moteur. C'est ça. Mais c'est là où est le problème. C'est-à-dire, c'est 8 à 16 heures. C'est à la fois beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est 8 à 16 heures. Donc, finalement, ça peut être l'activité d'une journée. Mais quand un soldat sort à l'extérieur pour effectuer une mission, souvent, c'est bien plus qu'une journée. C'est-à-dire, il part donc pour une durée supérieure, etc. Et là, on arrive un petit peu au problème qu'on a pas aussi dans l'industrie automobile. C'est-à-dire, comment stocker l'énergie? Comment stocker l'énergie pour que cet exosquelette, en fait, puisse fonctionner dans la durée? Et ça, c'est très compliqué. Et si vous voulez de l'énergie, en fait, il faut plus de poids pour justement stocker cette énergie. Et en fait, en amassant ce poids et en emmenant avec soi des charges supplémentaires, vous contrebalancez les effets positifs de l'exosquelette. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être développé. On en est au début. C'est très prometteur. Mais encore une fois, c'est pas encore pour tout de suite. Voilà, ça va venir progressivement, mais il y a besoin de faire des expérimentations. Et ça renvoie d'ailleurs, de toute façon, au problème de la mobilité. Si vous voulez, d'un point de vue tactique, il y a un triangle qui est difficile à casser technologiquement. Ce triangle, c'est quoi? C'est mobilité, protection et puissance de feu. Si vous faites varier un des paramètres en l'augmentant, généralement, vous faites diminuer les deux autres. Par exemple, je veux plus de mobilité, ben ça veut dire souvent moins de protection, c'est moins de puissance de feu. Vous allez emmener des armes qui sont plus légères. Alors vous dites, bon, si je mets plus de protection, ben le soldat sera moins mobile, et puis il aura plus de difficultés à employer justement ses armes, etc. Donc le but de la technologie aujourd'hui, c'est un petit peu de casser ce triangle infernal, et encore une fois, ça commence tout doucement, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. C'est-à-dire clairement, dans 10 ans, on n'aura pas un soldat qui sera à la fois... qui pourra emmener une arme très lourde, qui sera en même temps très protégée et très mobile. Peut-être à terme, et pas dans l'immédiat. Un mot peut-être rapidement, Hervé Grandjean, parce que là, on parle de modèles américains. Il y a des exosquelettes qui sont développés tout à fait en France. Je pense, par exemple, à l'exosquelette Safran. Oui, alors il y a deux types d'exosquelettes qui sont développés en France. Un exosquelette à base de moteur, celui auquel vous faites référence, et puis un exosquelette sans moteur qui est inspiré de la colonne vertébrale du rhinocéros. Donc en fait, on essaye de répartir les charges que doit emporter le soldat un peu différemment pour qu'il y ait moins d'effet de balourd et que ce soit plus facile pour le soldat de se mouvoir avec des charges lourdes. On va continuer à parler de ce soldat du futur, du soldat augmenté dans quelques minutes. On va parler évidemment des questions d'augmentation invasive. Ce sera dans quelques minutes, juste après ça. Elephant Pair à 16h40 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons du soldat augmenté, du soldat du futur, en compagnie d'Hervé Grandjean, qui est porte-parole du ministère des Armées, et Jean-Christophe Noël, chercheur associé au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Mais comme toujours, à mi-parcours, le mercredi, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Pierre Puchot, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la modélisation musculo-squelettique générique et spécifique en vue du support de l'activité physique du soldat. Vous êtes docteur en biomécanique de l'École normale supérieure de Rennes. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que nous, en tant que biomécaniciens, nous avons choisi de focaliser nos travaux sur un domaine de capacité du combattant qui a été évoqué ici, à savoir sa mobilité. Et on a commencé par faire un constat qui était le suivant, c'est que la charge que porte le soldat au cours de ce déplacement a augmenté au cours de l'histoire. Un soldat napoléonien portait environ 15 kilos, alors qu'un équipé du système Fela en Afghanistan portait entre 45 et 50 kilos tout équipé. Et certains rapports font même état de port de charge à jusqu'à 68 kilos. Ces charges, elles altèrent les performances opérationnelles des soldats, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter le temps d'exécution des mouvements de combat, diminuer la performance au tir, diminuer la conscience de la situation et ces charges sont aussi un facteur aggravant de l'apparition des blessures chez le soldat. Dans une étude, récente, 85% des militaires de l'armée de terre ont été concernés au moins une fois sur une année par des troubles musculo-squelettiques, et pour la moitié d'entre eux, c'était une entrave à l'exercice de leur activité. Alors c'est la raison pour laquelle il faut améliorer les conditions d'exécution des missions pour optimiser la mobilité du soldat et préserver son intégrité physique. Pour cela, on peut assister le mouvement, c'est-à-dire utiliser des exosquelettes. C'est une piste majeure, explorée par les armées et les industriels. C'est celle-ci sur laquelle on s'est concentré dans mes travaux de thèse. Alors pour rappel, un exosquelette, c'est une structure mécanique articulée, revêtue par un sujet et conçue dans le but d'interagir physiquement avec une ou plusieurs parties du corps au travers de systèmes d'attache et de contention. Il y a deux fonctions principales. La première est de détecter l'intention du mouvement et la deuxième, d'actionner le mouvement. Mais comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un tel dispositif? On évalue de manière objective la performance globale de l'exosquelette de locomotion en mesurant la consommation d'oxygène de son utilisateur avec et sans son exosquelette. Et si on regarde qu'il existe bien une réduction significative de cette consommation d'oxygène, alors l'exosquelette est bénéfique. Parfois, ça fonctionne, et ce seulement depuis 2013, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, il peut même être plus coûteux pour l'organisme de se déplacer avec un exosquelette. Et pour aller plus loin, dans l'étude de ces échecs et l'étude des interactions entre l'homme et son exosquelette, il est nécessaire d'évaluer des indicateurs plus locaux et de répondre à des questions de biomécanique, comme est-ce que mes muscles sont activés de manière coordonnée avec l'assistance? Est-ce que les muscles produits, les forces produites par les muscles sont diminuées par l'utilisation d'un exosquelette? Est-ce que mes chargements dans mes articulations sont réduits par le port d'un exosquelette, entraînant peut-être ainsi une diminution de l'apparition des blessures? Pour répondre à ces questions, on utilise ce que l'on appelle des modèles musculosquelettiques. Ce sont des jumeaux numériques du corps humain, des sortes de mannequins virtuels articulés qui modélisent les articulations, les différents membres et les muscles actionneurs du corps humain. Ces modèles musculosquelettiques ils peuvent être animés grâce à des technologies de capture de mouvement similaires au monde du jeu vidéo et nous fournir des informations pertinentes pour analyser spécifiquement l'interaction biomécanique entre l'homme et son exosquelette. L'animation de ces mêmes modèles musculosquelettiques peut être simulée sur la base d'indicateurs mécaniques. Par exemple, faisons marcher mon modèle tel que cela minimise son énergie ou tel que cela optimise la conception de mon exosquelette. Mais sur ce dernier point, nous en sommes qu'au balbutiement. Alors grâce à ces analyses et aux simulations de mouvement, on va pouvoir analyser et prévoir les bénéfices du port d'un exosquelette, et ça avant même sa fabrication. En revanche, ces modèles musculosquelettiques de référence sont issus de mesures et de relevés cadavériques. Et quand on souhaite analyser un soldat en particulier, ou proposer une gamme de mannequins représentatives de notre population de soldats pour la conception, on souhaite pouvoir mettre à l'échelle ces modèles grâce à des outils non invasifs, ce qui est le principal défi scientifique de nos recherches. Et pendant ma thèse, j'ai donc proposé et contribué au développement de méthodes pour mettre à l'échelle ces modèles musculosquelettiques de manière non invasive. Merci beaucoup Pierre Puchot pour cette présentation. Une réaction peut-être rapide l'un et l'autre à ces travaux, Hervé Grandjean? Oui, enfin, les enjeux de mobilité sont absolument massifs. J'ai parlé des élongations et de la taille des théâtres d'opération sur lesquels on opère. On a besoin d'assister au plan de la mobilité nos fantassins. Le système félin en est un moyen et les travaux de recherche de ce docteur en sont un autre. Le système félin, c'est la tenue complète aujourd'hui déjà relativement augmentée des militaires français. Avec par exemple des jumelles à vision nocturne. Voilà, c'est ça. Jean-Christophe Noël, un mot. Oui, tout à fait. Ça va effectivement dans le bon sens. Peut-être juste une petite correction. Je crois que déjà dans l'Antiquité, les soldats portaient 40 kilos sur le dos. Hein. Les mules de Marius, c'était le surnom des légionnaires un petit peu avant César, veut bien dire quelque chose. Donc c'est un problème en fait qui existait depuis très longtemps. Mais encore une fois, faut le prendre de manière globale. C'est-à-dire, si vous améliorez la mobilité, justement, ça sera peut-être au détriment d'autres facteurs. Et c'est bien ça, c'est ce qu'on prend le problème globalement. On va passer à l'autre forme d'amélioration, celle qui pose peut-être plus problème, les augmentations, disons biologiques. Alors, il y a plusieurs choses. Vous le disiez finalement, vacciner des soldats, leur donner des capsules de caféine pour lutter contre le sommeil, c'est déjà une forme d'augmentation dite biologique ou invasive. invasives. Quelle est aujourd'hui, Hervé Grandjean, la ligne rouge? Est-ce que, par exemple, un implant qui diffuserait de la caféine de manière constante pendant plusieurs heures pour éviter d'avoir à prendre des capsules, c'est acceptable? Où est-ce qu'on met la frontière? Le type de dispositif que vous évoquez devrait être discuté avec le service de santé des armées. On a un service médical au sein du ministère des armées. Hormis à ce stade la vaccination et effectivement les capsules de caféine ingérées par voie orale, la ministre des Armées a été claire sur le fait qu'il fallait impérativement rechercher aujourd'hui des alternatives aux méthodes invasives. Donc par exemple, si on veut améliorer la géolocalisation de nos soldats, plutôt que d'implanter une puce sous la peau, eh bien on greffe cette puce sur le textile, ce qui assure la réversibilité du dispositif. On peut aussi évoquer l'opération des yeux, par exemple, pour mieux voir la nuit, plutôt que d'arborer des jumelles à vision nocturne qu'on a évoquées comme dans le système félin. À ce stade, voilà, la ligne rouge, c'est non aux méthodes invasives, mis à part les deux dispositifs que j'ai évoqués, vaccin et caféine. Cette barrière, cette frontière-là, Jean-Christophe Noël, vous pensez qu'elle est suffisamment robuste pour tenir plusieurs années, ou est-ce que c'est une barrière fragile? C'est une barrière qui va, comme on l'évoquait au début de l'émission, hein, finir par céder sous le poids de la concurrence géopolitique? C'est un des enjeux, c'est de savoir est-ce qu'effectivement, comme il y a une course à l'armement, par exemple dans la portée des missiles, comme il y a une course à l'armement enfin dans tous les domaines militaires, en fait, est-ce qu'à un moment il va y avoir une course à l'armement justement sur l'homme et sur des procédés qui permettraient de le transformer? Mais là encore, j'ai envie de dire, faut regarder peut-être la situation de manière un petit peu plus globale, c'est-à-dire c'est pas parce que vous aurez une augmentation dans un domaine donné que ça va vous assurer une supériorité. On venait d'évoquer par exemple une opération des yeux pour voir la nuit. Donc imaginons qu'on opère des soldats pour qu'ils voient la nuit. Donc on va leur demander d'agir le jour et la nuit. Donc ces gens-là vont être fatigués, donc il va falloir leur donner de la caféine, donc il va falloir justement transformer un petit peu leur organisme. On s'aperçoit que si vous modifiez un endroit, on sait que le corps, je veux dire, c'est un système un petit peu, ça marche en système, c'est systémique. Si vous transformez un endroit, vous ne savez pas quelles vont être les répercussions ailleurs. C'est-à-dire, peut-être vous aurez un avantage dans un certain domaine, vous allez en perdre dans d'autres. Et c'est là où justement, et là, aujourd'hui, la recherche, je veux dire, on n'a pas vraiment de données. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire, vous pouvez penser augmentation, mais quelles sont les conséquences sur le corps humain en entier? Quelles sont ses conséquences sur son harmonie, sur son équilibre? Mais j'aimerais savoir précisément, Jean-Christophe Noël, de quoi on parle quand on parle d'augmentation? Parce qu'il y a effectivement le fantasme. Alors on parle par exemple effectivement de rétines artificielles. De rétines artificielles, ça peut être quelque chose de concret. On parle d'implants cérébraux pour des interfaces cerveau-machine. On sait que les implants cérébraux, on a fait des émissions là-dessus, c'est pas encore d'une efficacité redoutable. Concrètement, de quoi il s'agit? Prenons l'exemple des implants cérébraux. Donc, vous avez eu l'annonce, je crois que c'était au mois de septembre, d'Elon Musk avec le cochon Gertrude, ou la cochonne Gertrude. Bon, il y a eu beaucoup de bruit en septembre, on ne sait pas ce qui est devenu la cochonne, par exemple. Je n'ai pas de nouvelles. Vous prenez les Chinois la semaine dernière. Vous en avez pris des nouvelles? Pas si vous en avez, écoutez. Personnellement, non. Mais vous prenez les Chinois, et je crois que c'est la semaine dernière, c'est pareil, ils ont fait une brève en expliquant que voilà, ils venaient de faire des expérimentations où ils avaient mesuré effectivement donc l'activité électrique du cerveau et qu'ils avaient réussi un petit peu à la contenir et puis qu'ils commençaient à s'exprimer, enfin à pouvoir communiquer avec des objets éloignés. Il y a eu un rapport, alors c'est encore les Américains, je suis désolé, mais il y a eu un rapport des Américains justement il y a un an ou deux sur ce fait, savoir est-ce que la technologie permettrait, par exemple, d'échanger avec des plateformes éloignées? On pense par exemple à des drones ou des choses comme ça. C'est-à-dire, vous prenez un soldat sur le champ de bataille qui est entouré de drones, pas forcément des grands drones, des petits drones ou des choses comme ça, et qui puisse les diriger avec son cerveau. Ces experts, pour le coup, c'était vraiment des experts, on dit pas avant 2050. Oui, c'est ça, on est encore très très loin de pouvoir contrôler des machines, même avec des implants cérébraux profonds. Pour le moment, c'est vraiment de l'ordre, vraiment de l'expérimentation et peut-être un peu même de l'épate pour ce qui concerne Elon Musk. Peut-être un mot là-dessus avec Grandjean. Je pense qu'avant de considérer toutes ces augmentations invasives, il faut très précautionneusement peser les risques associés. Et les risques, ils sont de multiples natures, tous sous le chapeau de l'éthique. Sur le plan de la santé, d'abord, on ne sait rien finalement des addictions qui pourraient survenir suite au sentiment de puissance qui aura été développé auprès de ces soldats augmentés et du phénomène de récompense que cette surpuissance génère. Il y a aussi le fait, toujours au plan de la santé, de déprimer littéralement certaines fonctions du corps humain. Si par exemple on s'implante une puce GPS pour être géolocalisé en permanence, eh bien quid de notre sens de l'orientation qui ne fonctionnera plus de fait quand on enlèvera la puce? Est-ce qu'on aura complètement perdu notre sens de l'orientation ou pas? Il y aura aussi un point qui semble très important, c'est la question de la pression sociale et du groupe. Si dans une unité militaire, un escadron, un régiment, certains soldats sont augmentés et d'autres non, quid des relations entre ces deux groupes différents? Ce qui pose la question du consentement par ailleurs, hein, de ce que c'est que le consentement et s'il n'y a pas une forme de coercition passive, puisque est-ce qu'on peut refuser finalement si toutes nos troupes de notre escadron l'acceptent? Exactement. Les militaires qui sont augmentés pourraient considérer ceux qui ne sont pas augmentés comme des freins, voire comme des dangers. Les militaires non augmentés pourraient considérer les militaires augmentés comme soit des hommes enviables, soit des esclaves soumis. Donc on voit bien que la question est compliquée. Il y a aussi une question de droit qui est difficile. Est-ce que le soldat augmenté est une arme au sens de la Convention de Genève? Si le soldat augmenté a un fait de guerre qui n'est pas conforme au droit international humanitaire, qui est responsable? Est-ce que c'est le soldat en tant qu'homme? Est-ce que c'est le médecin qui a posé la prothèse? Est-ce que c'est l'état-major qui a donné l'ordre? Est-ce que c'est le fabricant de la prothèse? Donc on voit bien qu'il y a des champs complets à explorer pour mieux cerner ces questions. J'ai une question, alors, parce que là, on voit, et on est tout de suite évidemment assez loin dans le champ de la science-fiction en imaginant des implants cérébraux qui permettraient de piloter des drones à distance. Mais si on revient un peu un cran en dessous et qu'on parle d'un plan ou en tout cas d'augmentation qui serait plus passive, de l'ordre du monitoring, c'est-à-dire de surveiller l'activité cérébrale, de surveiller les constantes vitales, de calmer par exemple la diffusion d'adrénaline dans le corps, ou je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui serait plus de l'ordre du contrôle de la santé et d'une quelque chose qui permette finalement aux militaires de rester, ou aux soldats de rester sous contrôle. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que c'est peut-être plus acceptable, Hervé Grandjean? C'est peut-être plus acceptable, même si aujourd'hui, je le redis, on préférera toujours une solution alternative. Et par exemple, pour prendre des constantes corporelles médicales, on préférera mettre un bracelet qui mesure votre pulsation cardiaque plutôt que d'insérer une puce. Il y a un risque dont on n'a pas parlé, qui est massif vis-à-vis de toutes ces invasions dans nos corps, c'est le risque cyber. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure avec les travaux d'Elon Musk. On ne veut pas qu'un soldat puisse être piraté par un ennemi. Jean-Christophe Noël, pour conclure sur cette question. Peut-être juste pour réagir, effectivement, avoir les données médicales d'un équipage ou d'un groupe de combat, c'est essentiel pour le chef, surtout après une attaque. Donc si vous avez les moyens, effectivement, de savoir qui est vivant, qui est en forme, qui est fatigué, etc., ça peut lui permettre de savoir ce qui est opérationnel dans son bateau, ça peut lui permettre de savoir quelle équipe va être plus en avant que l'autre, etc. Donc il y a un vrai avantage, un vrai intérêt opérationnel. Après, moi, ce que je crois qui est essentiel, en fait, c'est qu'on est en train de voir tout doucement surgir, on l'a évoqué, mais une nouvelle figure dans la guerre. C'était notamment sur le champ de bataille. Pour faire vite, aujourd'hui, il y avait trois figures. Il y a le soldat qui combat. Il y a l'ingénieur qui lui donne les armes, les systèmes d'armes, et puis vous avez le général qui met un petit peu tout ça en musique et qui combat. Et là, on voit tout doucement apparaître une autre figure, c'est celle du médecin. Le médecin qui, grâce à ses connaissances, va pouvoir conseiller le commandement pour lui dire, écoutez, ça paraît envisageable dans ce cadre, ça ne paraît pas envisageable dans ce cadre, ça, on peut essayer de le développer, ça, on ne peut pas essayer de le développer, etc. Et donc, on voit cette quatrième acteur qui est en train d'émerger, avec sûrement des graves problèmes éthiques pour lui, parce que lui, il est là au départ, on a tous le serment d'Hippocrate en tête, il est là pour soigner. Alors là, il va peut-être être là pour aider, justement, à engager des hommes, à aller au combat et peut-être à mourir. Donc voilà, il y a cette espèce de difficulté. Encore une fois, toutes ces technologies ouvrent un champ immense, avec des questionnements, et on en est qu'au début. Et malheureusement, on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Jean-Christophe Noël, merci Hervé Grandjean d'être venu nous parler de ce soldat du futur. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. Demain, eh bien, nous parlerons de toute autre chose. Il sera question de cerveau social et d'instinct parental avec Catherine Dulac, qui vient d'être récompensée par le Breakthrough Prize pour ses travaux de recherche. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.